On nous affirme que tout va bien, mais je crois rien. Trop d'illusions sont sorties de la bouche de ces humains. Regarde ce monde infirme, j'affine ma lame, j'essuie mes larmes. Explique le drame, c'est que tout est foutu. Besoin de pesticides pour maintenir les récoltes en vie. C'est que dès la naissance, les plantes sont malades. Un peu comme nous, t'as vu, regarde ces enfants qui tiennent les armes en main. Grandir dans la haine et la terreur, juste pour enrichir les marchands de sang. Les mères devenues putains pour ne pas laisser leurs gosses grandir dans la misère sans avenir. Prêt à tout pour fuir et grandir. Regarde la nature qui crève, chaque jour on court après du vent. On en achète en sachet, tant de bruit pour rien, de vie gâchée à la cachette, à coups de machette, pendant qu'un homme se juge à ses boutons de manchette. J'aimerais voir et faire le bien autour de moi, tant de gens qui servent à rien, ou le mal qui se propage dans l'ignorance. Un coup de rance, après avoir vomi le démon, j'élève mon âme tant bien que mal. La vie ou la mort, le rêve ou l'ennui, où on se relève pas, où on crève là, tire-moi dessus et j'irai encore plus loin. Instinct rageur, poussé par la haine, de trouver au bout du chemin responsable enfin, pouvoir lui dire à quel point il est con, et lui faire voir comment on vit nous, les petits crétins au loin. On veut prendre le large, mais en fait on devient barge. On n'emmène pas large, largement dépassé par les événements. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel, et c'est des claques dans la gueule. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel, c'est des claques dans la gueule. Et c'est là que je fais des flaques, parce que je n'ai pas voulu que ça évolue, que ma vie s'envolait sans que j'ai pu la retenir. Mentir sur son destin, c'est pas s'en sortir. Il faut dire que tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Un enfer personnel parsemé de solitude, de doute et d'amertume. Sa mère les tue, les factures font que j'ai plus le temps, que je cours après l'argent et pas l'amour à l'instant présent. Ma vie n'est que du vent et je me garde de me mettre devant pour montrer que je perds mon sang, mon sens, mon sang. C'est ça, se faire baiser, laisser ses rêves briser, mépriser l'avenir aux flammes attisées. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel, laisser des claques dans la gueule. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel, laisser des claques dans la gueule. Je me considère comme un condamné, et suffit de constater, tu travailles mais t'as pas assez pour le loyer. Et bouffer devient un luxe qu'on peut plus s'offrir, et faut souffrir. Les étudiants se prostituent pour payer leurs études, les pervers applaudissent. La pauvreté, fléau de notre société, banalisée, tout comme l'alcool qui console les âmes les plus brisées. Trop glisse, la vie en noir, l'espace d'un instant éclipsé, cliché instantané, le poison d'une vision réaliste, à risque. Et on est surpris que la deuxième cause de mortalité en France soit le suicide, le malaise qui en vieillissant ne prend pas une ride. Toujours la même merde au bout du jour, et ma vie insipide. L'impression de tomber dans le vide, on court dans le gouffre de l'enfer. C'est eux qui décident de faire la guerre, mais c'est nous qui devons assumer. C'est eux qui empochent le pognon, et faut pas me prendre pour un con. Ils jouent avec nos vies, et on est que des numéros, des pions, des citrons à presser. Faut nous rentabiliser, vite, vite, trop se laisse faire. Et je vais pas me taire, je déterre la hache de guerre, et je vous enterre avec vengeance pour avoir violé ma mère, la terre nourricière. Si j'ai pas d'avenir, si je vois l'environnement qui se dégrade irréversiblement, c'est à cause de vos décisions motivées par l'argent et non par l'épanouissement d'une civilisation. Je suis un civil en pleine action, citoyen acte devient ma réflexion lorsque je pousse cette société à l'effondrement. Je fonde un mouvement, mon grand, des activistes du mic, des inconnus qui cognent leur cible, votre rôle, ma grogne en cri de fond au fond du trou. On veut vous enterrer, sois pas surpris par mes paroles. Je suis la logique conséquence de vos actes ras-le-bol. Je suis celui qui te fera payer de ta chair tes erreurs. Et si moi je meurs aussi sûrement que ce monde je le pleure, toi je t'assassine aussi facilement qu'une pipe me fait jouir. Je suis ici rien que pour toi, alors crois-moi, tu ne m'arrêteras pas. Pour me stopper, faudra pas me rater quand tu voudras m'éliminer, m'assassiner. Quand pour toi je représenterai un danger, quand mon auditoire sera trop mobilisant, quand j'aurai l'impact assez violent pour tout saccager. Une menace, je suis une menace, je resterai. Alors note mon nom sur ta liste en dessous de Rocking Squad. Ajoute-moi, écris le bien en rouge. Crois-moi parce que ça va être violent, sanglant. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel, et c'est des claques dans la gueule. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel, et c'est des claques dans la gueule. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel, et c'est des claques dans la gueule. Les feuilles vierges sont rares, l'encre est couleur noire. Je lis leurs coups avant de les voir. Prévisible comme une route droite, invisible comme ce qu'on voit sans foi. Pénible de maintenir les conversations à la con. Pour être poli dans leurs relations, j'arrête de les dire et me taire loin de leur théâtre. Continuez à débattre, parlez bête et vous déboîte. Pendant les silences, on supporte pas son unique présence. Le poids de sa seule conscience, sa science code. Comme t'es plus léger avec quelques grammes, ou comment abréger son âme, alléger son drame. Verre de rhum, cam, voyage à Rome et belle femme. Rose frime, vieux film, tout sonne faux comme dans les fêtes, avec les peines dans le cœur. Se dire fort avec la pine dans le cul. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel. Et c'est des claques dans la gueule. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel. Et c'est des claques dans la gueule. Menace à la société, ridicule et obscène. C'est nous, mon obscène. Fais face à la réalité, efface ta fausse morale. Cul argent, or jaune, on laisse faire dans toutes les sphères. Ouais, c'est rare. Planète synonyme de poubelle. On sait plus quoi faire pour elle. En fait, pour nous, car tout se pourrit. Parce que l'homme est fou, escroc sérieux ou semi-dieu. Assez de leur ego curieux pour courir de notre perte. Réagis en maître moslem. Mets cela de côté si t'es raciste. Salope, stop là s'te plaît avec tes raccourcis. Vas-y cours ici, ce que je défends je suis pas seul. Même si on vacille, mais on veut ça. La paix, le respect, on veut ça. Exister sans se taper putain. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel. Et c'est des claques dans la gueule. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel. Et c'est des claques dans la gueule. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel. Et c'est des claques dans la gueule. Croire à mon potentiel, pourtant j'étais presque seul à vouloir toucher le ciel. Et c'est des claques dans la gueule.